Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Des quantités importantes de matériel de pêche prohibé utilisé dans le lac Louguérou ont été détruites par l'administration communale en collaboration avec les forces de l'ordre ce mardi en commune Woussoli de la province Kirundo. Et plus de 12 000 litres de boissons interdites ont été déversés par terre sur deux collines de la zone Guitaza en commune Mouta de la province Rumongue. C'était l'après-midi de ce mardi. Notre correspondant sera en ligne pour plus de détails. Le président de la République fait remarquer que la multitude d'intervenants dans le secteur des jeunes ne facilite pas le suivi de leurs activités. Il l'a dit vendredi dernier. Reportage à suivre. Et dans la chronique sur les messages de haine, le professeur Évariste Ngaïmenda nous expliquera comment la chosification de l'autre détruit les sociétés. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Nous sommes le 21 septembre 2022. Voici le développement de ces titres. Plus de 400 trigos, 7 filets mayans et 1600 moustiquaires constituent du matériel de pêche prohibé utilisé dans le lac Louguérou et détruit par l'administration communale. En collaboration avec les forces de l'ordre, c'était ce mardi en commune Woussoni de la province Kirundo. L'administrateur d'Ismas Savimana appelle les pêcheurs à éviter l'usage du matériel non autorisé par la loi. Agnès Naumagadze. Parmi le matériel de pêche prohibé utilisé dans le lac Gweru figure le matériel nommé trigo qui détruise la vie des êtres vivants aquatiques dans ce lac, comme l'indique Dismas Savimana, administrateur de la commune Woussoni. Selon Savimana, ce matériel trigo possède du poison qui menace la vie de tout poisson qui s'approche de ce matériel et que les poissons pêchés par ce matériel se détériorent rapidement et par conséquent, les personnes qui les consomment étant dans cet état de détérioration pourraient avoir des problèmes de santé. Savimana continue de mentionner qu'à côté de ce trigo, les moustiquaires utilisés aussi empêche la ponte des œufs dans ce lac, ce qui diminue aussi la production des poissons dans le lac Gweru et les taxes communales. Dismas Savimana interpelle les pêcheurs qui pratiquent les activités de pêche dans le lac Gweru d'éviter l'usage du matériel non autorisé par la loi, car ce matériel est prohibé et perturbe la vie des êtres vivants aquatiques. Il met en garde aussi certaines personnes qui aide certains pêcheurs dans l'utilisation de ces matériels prohibés. Depuis Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Et plus de 12 000 litres de boissons interdites ont été déversés par terre sur deux collines de la zone Guitaza, commune Mouta de la province Rumongue. C'était l'après-midi de ce mardi. Un ingrédient dit champignon magique intervient dans sa fabrication illégale. 5 personnes des 5 ménages visités par l'administration locale en collaboration avec la police sont dans les mains de la police judiciaire à Guitaza. Jean-Pierre Misako. Dans 2 des 5 ménages concernés où nous avons été, l'appellation de cette boisson et les ingrédients utilisés dans sa fabrication diffèrent. Chez Martien et son fils met tout cela de la sous-colline Guitaza 2. Elle s'appelle Akanyabuzima, fabriquée à partir du sucre, thé et un peu de gingembre, auquel ils ajoutent un champignon magique. Martien rejette en bloc l'utilisation d'une plante médicinale communément appelée Umugombe dans la fabrication de cette boisson, même si cette plante a été retrouvée là où cette boisson a été saisie. De son côté, Judith, de la même sous-colline, affirme utiliser les plantes médicinales Umugombe et Umufumia dans la fabrication de cela qu'elle appelle un médicament traditionnel. Judith dit avoir appris de son oncle paternel cette fabrication. Pour tout cela, cette technique utilisée est le résultat de ses recherches sur Google. Ce que Metusela ne parvient pas à clarifier et qui a beaucoup inquiété l'administration et la police, c'est la composition de ce champignon magique intervenant dans la fermentation de cette boisson pendant 3 à 4 semaines. Un champignon produit en Chine est parvenu à Gitaza en provenance de la République démocratique du Congo par le biais de son père. Seront ces dires. Tous ces fabricants de cette boisson interrogés convergent sur ses effets sur la santé des consommateurs, dont certains auraient témoigné être guéris du diabète et des problèmes des articulations. Une consommation qui durait plus de 2 ans dans cette localité selon des sources sur place. Par ailleurs, ils avouent travailler sans autorisation préalable des autorités compétentes. Pour Domitile Nzuwenimana, administrateur communal de Muhuta, il s'agit là d'un manquement des administratifs à la base à qui elle demande d'informer à temps leur supérieur dans de telles situations afin de vérifier l'authenticité de l'autorisation. Lors de cette opération, enfants, adultes et vieux rôdaient tout près pour s'emparer de cette boisson rougeâtre déjà emballée dans des bouteilles aquavie en cas de non-vigilance de la police. Jean-Pierre Misago depuis Gitaza, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. La suite de ce journal, la multitude d'intervenants dans le secteur des jeunes ne facilite pas le suivi de leurs activités. Cette remarque a été formulée vendredi dernier dans la commune Chombo de la province Karoussi, dans une table ronde organisée par le président de la République à l'intention des partenaires techniques et financiers, des ministres et des leaders des partis politiques en marge du Forum national des jeunes intellectuels, deuxième édition. Certains trouvent que la coordination devrait être assurée par le PAEJ, alors que d'autres trouvent que le Conseil national des jeunes est le mieux indiqué. Arthur Kawaouchi, reportage. Cette multiplicité d'intervenants dans le secteur de la jeunesse fait que les jeunes peinent quand leurs projets sont acceptés par le PAEJ, comme le dit Jean de Chiminima Anado Kirundo. Après réception d'une notification de financement et après signature de la convention, on te demande d'attendre la signature du directeur général de la banque, puis de revenir et amener la notification au notaire pour approbation. Après, il faut une autre signature du directeur général. Vous comprenez que c'est du temps qui s'ajoute. En tant que jeune entrepreneur, c'est un des grands défis des banques qui travaillent avec le PAEJ. Dans une table ronde avec les partenaires techniques et financiers, certains ont trouvé que la coordination devrait être faite par le Conseil national de la jeunesse, selon Gabriel Banzawitonde, président de la PDR. Nous avons beaucoup de structures en charge des jeunes comme l'OBED, ABEJ, FIGA, PAEJ, ANACOP, CNJP, qui coordonnent tout ça. Il faut alors l'intervention de la Direction générale de la jeunesse, car c'est l'organe national habilité pour coordonner ces organismes nationaux. Quant au ministre en charge de l'éducation, François Avialimana, c'est le PAEJ qui est mieux placé pour faire le suivi. Je trouve que le PAEJ, c'est vraiment un programme qui permet de rassembler la jeunesse, qui permet de former la jeunesse, mais aussi qui permet de faire le suivi des interventions faites en faveur de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle tous les partenaires qui interviennent aux côtés de la jeunesse puissent communiquer ce qu'ils font au PAEJ pour que le PAEJ puisse faire la coordination de toutes les interventions en faveur de la jeunesse. Ils se sont convenus qu'une commission sera mise en place pour pouvoir mettre en exécution les recommandations. Arthur Kawaouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Actualité internationale. En actualité sous-régionale, le général Philemon Yav a été interpellé lundi avant d'être immédiatement conduit à la prison centrale de Makala. Cet officier supérieur de l'armée congolaise aurait été arrêté pour trahison et intelligence avec une puissance étrangère, affirment des sources sécuritaires à Kinshasa. Celui que l'on appelle Tigre Katangé est monté en grade, devenant commandant de la seconde zone de défense avant d'être affecté à la troisième zone, regroupant la Tchopo, l'Ituri, le Nord Kivu et le Maniema, où il assurait le rôle de coordonnateur des opérations militaires. Cette arrestation pose des questions car le général Philemon Yav est une personnalité clé du dispositif militaire du pouvoir en place. Toujours en actualité africaine, en République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a installé la semaine dernière un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution pour remplacer celle de 2016, issue des années de transition et qui serait soumise à référendum. L'opposition accuse le chef de l'État de vouloir changer le texte pour pouvoir briguer un troisième mandat fin 2025 et la saisie la Cour constitutionnelle qui doit rendre son verdict avant la fin du mois. Hors du continent, le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce mercredi, lors d'une allocution télévisée, avoir signé un décret de mobilisation militaire partielle des Russes en âge de combattre pour remplir les objectifs de son opération militaire spéciale en Ukraine, dont il a assuré que les objectifs n'avaient pas changé, une mesure que les Occidentaux considèrent comme un signe d'échec russe. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a précisé quant à lui que les 300 000 réservistes concernés par l'ordre de mobilisation représente à peine 1,1% des ressources mobilisables. Moscou se dit prête à utiliser tous les moyens de défense pour se protéger. Vladimir Poutine a même laissé entendre qu'il était prêt à user de l'arme nucléaire pour défendre la Russie face à l'Occident, qu'il accuse d'être déterminé à détruire le pays. Parle, rassure-moi. Chosifier l'autre, c'est le présenter négativement différent et le maltraiter en lui refusant ses droits. Le professeur Évariste Ngaï Mhenda indique que le citoyen est considéré comme de second rang en le constituant comme espèce de bouc émissaire. Et cette façon de faire taire l'autre par intimidation et manipulation entraîne des conséquences qui détruisent les sociétés. Pour sortir de cette situation, ce professeur universitaire recommande de prôner toujours les valeurs positives, même dans les écoles. Francine Diokougaï. La chosification est un comportement fréquent dans les sociétés conflictuelles. Le professeur Évariste Ngaï Mhenda explique qu'elle consiste dans la présentation de l'autre, non pas comme son semblable, mais plutôt comme une autre créature méprisable. Une créature à laquelle on peut refuser tous ses droits au nom de la différence. Et c'est en fait une différence supposée. C'est une différence inculquée, ce n'est pas une différence réelle. Et quand bien même il y en aurait, il n'y a pas de différence qui puisse justifier la chosification de l'autre. Vous arrivez à en faire un citoyen de seconde zone parce qu'en fait, vous le constituez comme une espèce d'exutoire populaire, une espèce de toutes les mauvaises situations qu'une société serait peut-être en train de vivre. Les contextes de sortie de crise favorisent ce genre de comportement. Ce genre de mouvements ont généralement deux composantes, une composante politique et une composante militaire. Et assez souvent, la composante militaire peut arriver à prendre le dessus, mais comme cette composante n'est pas généralement préparée à exercer le pouvoir dans l'intérêt de tous, il est obligé de trouver une façon de se légitimer, de se faire accepter, c'est-à-dire de faire taire toutes les voix dissonantes. Il y a généralement trois mécanismes d'autolégitimation. Vous pouvez recourir à l'intimidation ou à manipulation. Les deux vont généralement de pair. Vous pouvez recourir, je dirais, à l'exercice de la bonne gouvernance. Mais comme la bonne gouvernance est généralement exigeante en termes de ressources de toute nature, en termes de bonne foi qu'il faut mettre en œuvre, eh bien, ce sont les deux premiers mécanismes qui sont souvent tentants. Et ces mécanismes-là sont généralement dirigés comme celui qui est perçu comme différent de vous. C'est l'opposant politique, c'est l'éthiquement différent, c'est même un membre de votre organisation qui serait tenté d'emprunter une voie différente, d'emprunter peut-être la voie de la sagesse, la voie de la raison. Comme conséquence, le professeur Ngaï Menda parle de la perte des valeurs qui sont considérées comme des repères. Quand vous payez le luxe de louper ou de marginaliser les repères, il vous sera par la suite assez difficile de les reconstituer et de les imposer. Et une société sans repères se donne de faux repères. Chacun se donne son propre repère. Dans ce genre de situation, en fait, la parole est donnée aux extrémistes. La parole est précisément donnée à des gens qui n'ont rien à perdre en imposant de mauvais repères. Et cela arrive souvent dans les situations post-conflictuelles ou post-révolutionnaires. Donc, vous voyez que c'est un mouvement qui peut être assez contagieux. Et quand vous le laissez s'éclore pendant longtemps, il finit prendre la place au soleil. En prenant la place au soleil, il peut même arriver à un renversement de l'échiquier tel que même les pouvoirs légitimes se trouvent un peu contrariés par l'extrémisme qu'ils ont laissé pousser, qu'ils ont laissé prospérer. La seule stratégie de lutter contre ce comportement de chosification, selon le professeur Évariste Ngaï Menda, c'est de prôner les valeurs positives dans la société. Merci Francine Ndiakougayo, merci professeur Évariste Ngaï Menda. Ainsi se referme ce journal, il est 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal qui a été mis en onde par Eric Ouimana. Un très bon après-midi.